Tu t'as vendu roues, à bord du vaisseau, nique sa mère le rétro. On a mis le nitro, choqué de nos niveaux. La vie n'est pas rose, trop poteau au barreau. Des grosses magies bénéfices, ça t'écoute à fond. Racli, blif, à tout va, montre le son fort dans la gova. Racli, blif, à tout va, montre le son fort dans la gova. Dis-moi comment on fait ce genre de choses. Mais vraiment comment on fait ce genre de choses? Le destin, j'en rajoute une dose. Dans la cova, monte le son à fond. Dans la cova, son